Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Sim, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler des sénateurs d'Ottawa. Hier, il y a eu une transaction majeure. Le défenseur et récipiendaire à deux reprises du Trophée Norris, Eric Karlsson, est passé au Sharks de San Jose. Il faut penser et croire que Darren Degas avait raison, puisque 24 heures avant, Darren Degas a tweeté qu'il y aurait une transaction impliquant Eric Karlsson dans les 24 prochaines heures. Donc, on en parle avec le descripteur des matchs des sénateurs, Nicolas Saint-Pierre. Salut, Nicolas. Salut, Denis. Mais je te dirais que depuis le temps qu'on en parle, à un moment donné, ouais, ça arrive. Alors, ça fait quasiment 2 ans et demi, nous autres, 2 ans qu'on en parle. Alors, il fallait qu'une date se fasse. Nicolas, est-ce que c'est la meilleure transaction dans les circonstances? Puisqu'on a obtenu Chris Tierney, Rodolphe Balcer, le défenseur Dylan DeMello, également Joshua Norris, et un choix de première ronde conditionné soit 2019 et 2020, un choix de deuxième tour en 2019, et les deux choix conditionnels. C'est quoi les deux choix conditionnels? Est-ce que c'est des choix de deuxième, troisième, quatrième ronde? Ça doit dépendre des Sharks. Il y en a un, ouais. Ça dépend de la situation. Il y en a un, c'est un choix de première ronde si jamais San Jose transige Carlson dans l'Est. OK. Il y en a un autre qui serait que si les Sharks atteignent la finale d'ici 2020, quelque chose comme ça. Là. Alors, je pourrais me tromper de date, là, mais c'est dans ces parages-là. Mais écoute, a priori, on peut penser qu'on est allé plus au niveau de la quantité et non de la qualité. Okay. On aurait peut-être demandé d'avoir un retour plus gros venant de joueurs établis de Ligue nationale d'hockey, bien qu'on en a quand même deux là-dedans. DeMello puis Tierney. Mais il ne faut pas oublier une chose dans tout ça, Denis, c'est que dans cette transaction-là, ce qui a encore enlevé un peu du pouvoir de négociation de Pierre Dorion, c'est le fait que le camp Carlson ne veut pas signer en ce moment une prolongation de contrat. Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un risque qui est pris du côté de l'équipe qui s'emportait acquéreur. Et les Sharks ont bien manœuvré, puis Doug Wilson, écoutez, là, je pense qu'on doit lui lever notre chapeau. Parce qu'il vient encore une fois de nous montrer que c'est un fin renard et tout un directeur général. Alors, les autres équipes qui étaient impliquées, on avait parlé de Tampa, on avait parlé de Dallas. Ouais. Écoutez, on se retrouve quand même avec un bassin très restreint, venant de la qualité du joueur, parce que je pense pas que c'est toutes les équipes, qui peuvent supporter acquéreur d'un gars comme Eric Karlsson. Ça prend une équipe qui veut se rendre jusqu'au bout. Puis du fait qu'Eric Karlsson ne veut pas signer, donc il y a un choix, il y a un risque calculé, mais un risque que le gars ne signe pas. Alors, ça enlevait effectivement des pouvoirs de négociation de Pierre Dorion, puis sans dire qu'on est allé chercher le maximum, on a quand même été chercher de la quantité, si peut-être on a, en espérant aussi qu'on va ajouter la qualité là-dedans. Balcer pourrait-il être la carte cachée, parce que Balcer connaît une très bonne année dans la Ligue américaine. Ouais, meilleur marqueur avec les Barracudas, ouais, lors de sa saison recrue, mais faut pas oublier non plus qu'à moins de me tromper, Barracuda, c'était pas le plus gros des clubs non plus. Alors, okay. Faut garder ça en contexte. Mais étant le meilleur, c'est quand même bon. J'aime autant qu'il soit le numéro un, peu importe la situation. Faut pas oublier non plus Norris. Norris qui apparemment est un très bon ami de Brady Tkachuk. Est-ce que ça, on avait entré ça dans la donne? Les gens auraient peut-être aimer, moi le premier, de voir un genre de Timo Meier se retrouver dans ce lot-là de joueurs acquis. Écoute, ça va amener la profondeur pour les Sénateurs immédiatement avec DeMelo qui va pouvoir se greffer sur un troisième pairing avec la ligne bleue. Puis du côté de Tierney, avec la blessure de Pageau maintenant, ben là, ça pourrait arriver au bon moment. C'est que ça va amener de l'expérience puis peut-être remplacer Pageau qu'on voyait peut-être comme centre numéro 2 cette année. Alors Tierney qui amène de l'expérience. Et on dit de Tierney que va atteindre son pic, comme on dit, pardonnez-moi l'expression anglophone, va atteindre son paroxysme. Puis en plus de ça, c'est qu'il n'a jamais eu la chance de jouer vraiment avec des joueurs de qualité, disons, dans des temps de top 6. Ouais. Ce qui fait en sorte que se retrouvant maintenant avec des gars peut-être comme, je sais pas, au moins un Ryan, c'est pas les gros chars en ce moment, mais pour amener certainement un Dezingle également, bref, amener plus d'expérience dans un contexte plus gagnant pour lui, pourrait le voir peut-être augmenter justement sa production offensive. Alors, il y a de l'espoir de ce côté-là. Pour ce qui est des choix, écoute, c'est sûr que même si on dit un choix de première ronde avec un club comme San Jose, ça sera probablement un choix tard en première ronde. Ouais. Mais ça vient quand même compenser d'une certaine façon la situation dans laquelle se retrouvent les Sénateurs, c'est-à-dire avec pas de choix de première ronde suite à cette transaction qui a amené Matt Duchene ici. Effectivement. Alors, on a tenté du mieux qu'on pouvait. Personnellement, je crois que le maximum qu'on aurait pu atteindre avec une transaction impliquant Carlson aurait été à la dernière table limite des transactions, ce qu'on n'a pas fait. On a le train passé, puis malheureusement, ben, on se retrouve avec la situation dans laquelle on est ici. On compare à Montréal. J'écoutais les journalistes à Montréal hier qui disaient « Ouais, mais écoute, Pierre Dorion n'a pas eu beaucoup comparé à Marc Bergevin et Max Pacioretty. » Ouais, mais tu peux pas comparer les deux. C'est un. Puis regardez, partons avec le fait que Pacioretty a décidé de prolonger son contrat. Oui, c'est ça la grosse déjà clé, en partant. Ouais. Et c'était le point. Alors, si Carlson ne veut pas en ce moment, ben on se retrouve là. Je veux dire, oui, tu vas avoir quelque chose en retour, mais ce ne sera pas aussi gros que si on avait eu un Carlson qui dit tout de suite, on va prolonger notre contrat. Là. Ouais. Alors, il y a la portion risque là-dedans, puis je trouve ça un peu boiteux de comparer les deux situations en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une condition, parce que j'ai l'impression que là, Carlson ne veut pas signer, mais au mois de janvier, là... Oui, c'est sûr. Ben, en ce moment, il se fait tirer l'oreille, mais au moment où on se parle, on ne veut pas signer. Lui a dit, lui et sa compagne, on dit, on va regarder si on va aimer l'endroit. Et là, c'était dans peu importe où est-ce qu'on se retrouvait. Là. Alors, c'est pas une question de s'annoncer ou quoi que ce soit. On veut pas signer maintenant parce qu'on veut être certain qu'on va pouvoir s'établir ici et aimer la place. J'écoutais, je lisais ce qui se passait dans les lignes ouvertes à Ottawa. Apparemment qu'on le prend pas. Là. On savait que ça allait arriver, mais on le prend pas, hein? Ouais, non, mais c'est difficile à avaler. La pilule est difficile à avaler. Mais là, on commence à faire des comparatifs avec les gros joueurs qui sont partis et tout ça. Écoutez, là, les gros joueurs, Danny Heatley voulait partir. Danny Heatley, déjà en partant, c'était pas un... On peut pas comparer ça à ça. Yeah. On a parlé de Spezza. Spezza aussi voulait partir. Mais Spezza, pour d'autres raisons, était plus capable de subir la pression comme capitaine et tout ça, ouais. Ben, comme joueur, puis après, était tanné d'être le sauve-douleur. Et on peut pas... Chaque moment, chaque événement a eu son contexte particulier. Et là, c'est sûr que vous parlez du meilleur défenseur de sa génération, je le répète, puis il n'y a personne qui va me dire encore une fois c'est le contraire. Carlson est le meilleur défenseur sur la planète en ce moment. Toute une acquisition pour San Jose. Il y a personne qui va blablabla. Je prends ça un peu du côté business, par exemple. Il faut faire la part des choses. J'ai apprécié Eric Carlson, mais Eric Carlson aussi avait ses défauts. Ouais. Et avec les problèmes, Denis, puis je le dis là en connaissance de cause. J'ai vécu la tourmente de l'empereur passé, puis écoutez, les tourmentes, les hauts et les bons, on en a eu au cours des 11 dernières années, depuis que je suis à la description. Et ce que je dirais, c'est que Eric Carlson était un bon gars, un excellent joueur, mais comme capitaine, n'était pas un leader rassembleur. Ouais. Et les tourmentes, ce n'est pas seulement l'affaire des concubines, des compagnes, des joueurs en ce moment. Là, ça repart. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais il y avait des problèmes intestinaux bien avant ça. Effectivement. Et ça date. Et écoutez, le leadership, on doit... Et là, je fais la part des choses. Là, c'est sûr que je veux toujours faire le yin et le yang. Mais si on regarde la big picture en ce moment, on doit comprendre les gens... que la pilule est difficile à avaler et il y a malheureusement un pourcentage de fans qui risque de tourner le dos à la franchise. Justement, si on parlait des billets de saison, Est-ce qu'il y a eu une baisse? Parce qu'on lisait cette semaine à Montréal qu'il y avait une baisse majeure des ventes. Ici, est-ce qu'à Ottawa, ouais? Ici, c'est particulier parce qu'on n'a jamais... Je pense que la meilleure saison au niveau des ventes était de 11 500. Et ça date de l'année d'après la finale de la Coupe Stanley. Par la suite, la moyenne se situe entre 8, 5, 9, quelque chose comme ça. En ce moment, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il y a une baisse drastique. Chris Stevenson, de l'Athletic, a avancé le chiffre de 4000 billets de saison seulement. La direction, monsieur Nick Ruskowski, qui est nouveau maître à bord au niveau du marketing et tout ça, disait lui que le chiffre est un peu plus haut que ça. Mais c'est sûr qu'il va s'attendre. On va s'attendre, un, à avoir beaucoup de bancs vides. Mais, écoute, là, c'est moi qui parle. J'aimerais que les gens puissent faire la part des choses et réaliser que vous avez un club de Ligue nationale de hockey, mais je pense qu'on s'attend autant à la direction que du côté des journalistes, là, qu'il y ait une période où il va y avoir un gros problème de marketing. Il y en avait déjà un, mais là, je pense que celle-là, là, ouf. Mais Nicolas, c'est sûr que les Sénateurs viennent de changer probablement le meilleur défenseur de l'histoire de la concession. Par contre, vous avez quand même de bons jeunes. C'est sûr que ça se vend pas, là. Ça doit être un peu le même scénario qu'avec les Expos. Les gens doivent se dire un peu la même affaire que les Expos. On les développe, puis quand ils viennent bons, on les échange. Ça doit être rendu sûr, là, un petit peu ce que les gens disent, hein? Ouais, écoute, là, encore, on a avancé cette comparaison-là. C'est pas année après année, là. Je veux dire, on a perdu des joueurs. Alfredson est parti, là. Il y en avait plus de fait qu'il en restait à faire, là. Spezza, là, même si on nous dit qu'il est parti au meilleur moment de sa carrière, je m'excuse, mais on parlait d'un gars qui était en deadline quand il est parti. Danny Hitley a marqué, oui, deux fois 50 buts, puis c'est probablement le meilleur joueur qui est parti quand on parle de maturité et tout ça au niveau de sa carrière, mais... Écoutez, c'est un problème dans le vestiaire. Alors, il y a des joueurs qui partent, mais il y a encore une très belle banque de jeunes, comme tu l'as dit. Ça doit être vendu. On n'a qu'à penser à Tkachuk, Klapik, White. Chabot. Les gars-là sont tous... Chabot. Pardon? Thomas Chabot. Ah, ben écoute, Chabot, ben écoute. Puis Chabot, là, la place est pour lui. Ouais, la table est mise. On va avoir probablement un joueur... Je peux pas avancer aussi exceptionnel que Carlson, mais ça sera certainement un défenseur électrisant, un défenseur offensif. On peut pas demander à Chabot de remplacer Carlson, mais je pense que lui-même va valoir son pesant d'or pour attirer les foules. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'espoir, et c'est à savoir comment tout ça va maturer. On espère que ce soit plus tôt que tard, et c'est là que peut-être ça achoppe, c'est que avec tous les joueurs qui ont été acquis, c'est qu'on parle d'une reconstruction très longue. Alors, mais Pierre Dorion dit que les gars qui sont d'accord là, les vétérans, étaient au courant de cette vision-là, de cette reconstruction-là. On est tous à bord. À savoir maintenant s'ils vont vouloir rester, ben là. Qui est le prochain Matt Duchesne? Bobby Ryan, Mark Stone? À partir? Ah oui? Ben, Bobby Ryan, oublie ça, là. Son salaire, Fait qu'il va rester ici, puis ouais, il reste 4 ans. Okay. Mais Stone Duchesne, yeah. Et personnellement, je vois difficilement comment Matt Duchesne veut vraiment rester, même si encore il dit qu'il est heureux ici, il aime ça, puis à quoi on s'attend qu'il va nous dire qu'on n'aime pas ça? Voyons, il va nous sortir de la cassette, puis c'est correct. Max Pacioretty, il disait qu'il était heureux à Montréal, mais quand on a vu les photos à Las Vegas, ça en disait long, hein? Duchesne dit ça, là, mais Duchesne, la première chose qu'il nous a dit quand il est arrivé, il dit, au Colorado, là, c'était le fun et tout ça, mais à un moment donné, là, j'ai seulement 8 matchs en playoff dans ma carrière. Je suis rendu à une place où je veux gagner. C'est plus une question d'argent. Ben, on pourrait peut-être donner bien de l'argent, mais s'il veut vraiment gagner, ça pourrait être long ici à Ottawa. Alors, Matt Duchesne, c'est là que j'ai de la difficulté à croire que le bonhomme va demeurer. Mark Stone, c'est une autre question. C'est un bonhomme qui pourrait être la pierre angulaire d'une reconstruction, le capitaine. Il reste ici, c'est un gars qui a été élevé à même la formation. Je crois dur comme fer qu'un capitaine doit être un gars qui a été élevé à même un club. Alors, Mark Stone est le candidat parfait. À savoir si là, maintenant, cette période où il n'a pas été capable de s'entendre et on a failli passer à l'arbitrage, ça a laissé un petit goût amer dans sa bouche et peut-être voudrait être ordinaire. D'où je ne le souhaite pas. Je connais le bonhomme passé pour dire que c'est un bon gars, puis il y a aussi un côté émotif là-dedans, mais on doit douter du fait que Duchesne en ce moment et Stone pourrait rester. OK. Il me reste deux points que je veux te parler rapidement. La vidéo de Mark Borowski avec Eugene Melnyk. Nous autres, on regarde ça et on dit, moi, pourquoi Borowski a embarqué là-dedans? Il me semble qu'il doit avoir, je sais pas, un genre de tatou de boss, exemple. Là. Mais toi, tu me disais avant d'arriver en onde que écoute, là, ça n'a pas été mal pris du côté, ça n'a pas été mal vu du côté des joueurs. Ben, en fait, des joueurs et des. Écoute, à l'interne, Mark me l'a bien dit, ça, autant sur la tribune que hors d'onde, il dit, écoute, les gars, c'est pas comme, oh, c'est terrible. Le gars qui signe les chèques de paye te demande de faire une faveur. Et non, ben, voyons, c'est pas de même, ça marche non plus. Là. Encore une fois, là, c'est ton boss qui vient te voir. Là. Alors, je pense qu'on doit pas reprocher quoi que ce soit à Mark Borowski. Puis moi, je salue le bonhomme. Puis je peux vous dire une chose, que le gars, c'est un gars de la place. Il connaît le marché. Le gars va tout faire pour aider le club. Puis le gars pense plus au logo devant lui qu'au nom en arrière. Puis, faut reconnaître le courage du bonhomme parce qu'il savait exactement dans quoi il s'embarquait. Il savait qu'il allait s'exposer à des critiques et tout ça. Non, au contraire, moi, je vois en lui un très grand leader. Puis un bonhomme qui veut faire face à la musique pour la cause de son club. Alors, moi, je le salue, puis c'est exactement ce que j'ai dit hier dans l'antre du Centre Canadian Tire. Alors, faut pas reprocher. On doit reprocher, par exemple, que peut-être on a procédé d'une façon très maladroite. Ouais. Je peux comprendre les commentaires négatifs envers la vidéo en tant que telle, mais écoutons, je peux pas reprocher quoi que ce soit. Nicolas, gros merci, bon, on s'en reparle. Plaisir, n'importe quand. Nicolas Saint-Pierre, descripteur des matchs des Sénateurs.